m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pendant un week-end de Pâques, c'est très bien. Alban Briac est donc un nouvel éditeur marseillais, enfin nouvel, ça fait un an et demi que... Voilà. Jeune, on va dire. Il en est à son quatrième bouquin, le dernier vient d'arriver. Ouais, ça commence. Le dernier vient d'arriver, c'est Les Bandits Tragiques, qui est une réédition du bouquin de Victor Méric, là, qui est sorti d'un imprimé hier. Et là, il va nous parler plus particulièrement de celui... Un peu de tous, quand même, et un peu plus... celui de Kropotkin, l'État et son rôle historique de notre grand théoricien anarchiste. Je crois que je te présenter un petit peu plus longuement. Tu le fais ou je le fais? Ouais, fais-le parce que je te connais pas trop bien. Pas très bien. Présente-toi déjà. Moi, voilà, c'est Alban Briac. Je sais pas, je vais surtout vous parler donc de la maison d'édition, le Flibustier. Alors en fait, c'est la deuxième maison d'édition en gros que je crée. J'avais commencé par une petite maison d'édition qui s'appelait les Éditions de la Première Heure. Où je publiais, là, c'était plus des textes de littérature, des rééditions de littérature proprement dite, donc c'était sous forme de brochures, des textes courts. Et pour cette première maison d'édition, j'avais l'idée, la volonté de faire une deuxième collection qui publie plus de la critique sociale, en fait, donc sous forme de brochures aussi. Et puis, finalement, pour des raisons qui ne sont pas liées vraiment à l'édition proprement dite, cette collection n'a pas existé et ça a donné lieu donc à la maison d'édition, le Flibustier. C'est donc une jeune maison d'édition, voilà, ça fait à peu près un an et demi que je fais ça. Le projet éditorial, alors c'est d'une part donc d'éditer des textes de critique sociale proprement dite, parce que je pense que c'est toujours utile, même si d'autres le font déjà, mais c'est toujours utile de rééditer ces textes-là pour faire un peu le contrepoids, on va dire, à la propagande qu'on entend surtout à la télé, dans les grands médias de masse. Donc voilà, il y a cette idée d'éditer donc des textes vraiment de critique sociale. Il y a aussi l'idée de publier des textes qui seront peut-être plus littéraires, qui ne seront pas forcément donc des essais, et qui ne seront pas forcément des textes purement militants, mais avec toujours une idée un petit peu de contestation, enfin des textes qui véhiculent un peu des idées à contre-courant, et voilà, qui soient un peu dans la contestation. Enfin moi c'est un peu ça le projet global de la maison d'édition. Que dire d'autre au niveau... c'est une petite maison d'édition, donc au niveau du fonctionnement c'est relativement simple, je fais ça à peu près tout seul. Les tirages assez réduits. Les deux premiers étaient tirés à 500 exemplaires. Les deux deuxièmes. Le Kropotkin et le Victor Méric sont tirés à 1000 exemplaires. Je fonctionne en autodiffusion, autodistribution, c'est-à-dire qu'en fait c'est moi-même qui démarche les libraires pour proposer les ouvrages et leur vendre. Donc voilà, je suis vraiment ce qu'on appelle micro-éditeur, hein, tout petit éditeur. J'ai quand même quelques... faire honneur. J'ai quand même des amis comme ça qui me filent des coups de main, hein. Je ne suis pas absolument tout seul, donc pour que ce soit pour faire des relectures ou pour faire des couvertures ou pour me donner leur avis aussi sur certains textes. Que j'envisage de publier, savoir ce qu'ils en pensent, peut-être aussi me donner leur conseil sur ça. Je sais pas, apparemment c'est la vraie voiture qu'ils ont utilisée. J'ai trouvé ça et c'est donc une amie qui m'a fait le dessin, qui a reproduit la voiture en dessin et que donc, j'ai mis en couverture puisque c'était les premiers à utiliser l'automobile pour faire les braquages. Donc c'est une sorte de... Voilà. Après, bon, moi, je suis pas un militant anarchiste. J'ai pas de passé. Tout simplement, les ouvrages sont plutôt libertaires, effectivement. Moi, j'essaye simplement de publier, de diffuser des idées que je trouve intéressantes à diffuser aujourd'hui. Enfin, des idées qui me plaisent, quoi. J'ai pas même le flibustier, je revendique pas la maison d'édition comme étant une maison d'édition purement anarchiste, non, c'est juste diffuser des idées qui me paraissent intéressantes, et d'autant plus dans le contexte actuel qui est un petit peu oppressant et pesant. Je vais vous parler un petit peu maintenant des livres. Alors le premier livre que j'ai publié, c'est Les lois scélérates de 1893-1894. C'est un livre qui concerne la répression du mouvement anarchiste en France, donc à la fin du 19e siècle, à travers trois lois, donc qui sont les lois scélérates, qui ont été adoptées en 93 et 94. Alors, pour peut-être retracer, enfin, c'est un bouquin, donc pour parler un peu du texte lui-même, c'est un recueil de trois articles qui sont parus dans la Revue Blanche en 1898 et 1899. La Revue Blanche, c'est une revue littéraire et artistique qui accueillait pas mal de socialistes et d'anarchistes. Et ces trois articles qui concernent donc les lois scélérates ont été regroupés par les éditions de la Revue Blanche en volume, et c'est donc ce volume que j'ai réédité. Le volume a été publié en 1899. Le contexte, en fait, donc en France à cette époque-là, c'était la période de la propagande par le fait, donc il y avait pas mal d'attentats anarchistes. Jusqu'au jour en décembre 1893 où un anarchiste, Auguste Vaillant, a jeté une bombe au sein de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque, mais enfin l'actuelle Assemblée nationale, et ce qui a eu pour effet d'émouvoir un peu les politiques, enfin la classe politique, voilà. Donc ils ont fait quasiment aussitôt, en fait, ils ont fait adopter deux premières lois. La première, c'est une loi sur la presse qui revenait sur la loi de 1881, en fait, sur la presse. Et en fait, les deux lois, de toute façon, sont des lois qui à la fois accroissent les peines encourues pour les délits déjà condamnés par les lois existantes et qui élargissent surtout le champ des délits. Donc la loi sur la presse, en fait, donc la loi de 1881 condamnait ce qui était considéré comme étant une provocation directe au crime, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait eu un attentat ou un crime, on pouvait considérer comme complice l'auteur d'un article de presse, lorsqu'on considérait qu'en fait il était un petit peu la cause finalement de l'attentat ou qu'il avait poussé à l'attentat. La loi, donc la première des lois scélérates, la loi de 1893, accentue encore ce fait-là en pénalisant, enfin en rendant condamnable ce qu'ils appellent la provocation indirecte, en fait. Donc finalement c'est toute apologie des crimes, ce qu'ils appellent dans la loi, c'est les crimes contre les personnes et les propriétés. Donc tout ce qui était considéré comme étant de l'apologie devenait passible d'une peine de prison de 1 à 5 ans, enfin d'enfermement, donc de prison ferme de 1 à 5 ans. Donc l'apologie, c'est quand même un truc relativement vaste. Ça veut dire qu'en fait, un article syndicaliste qui revendiquait ou qui demandait la réappropriation des biens de production était passible de cette loi, et donc l'auteur de l'article pouvait aller en prison. La loi stipulait aussi qu'on pouvait... L'autorité avait le droit de faire des arrestations préventives et la saisie préventive, donc avant même que l'article ne paraisse, on pouvait arrêter la personne pour, avant que l'article soit paru, il n'y avait évidemment plus de provocation, puisque l'article n'a pas été lu par personne. Donc voilà, ça c'est la première des lois scélérates. La deuxième loi, c'est la loi sur les associations de malfaiteurs. Donc c'est une loi qui là aussi a grandi largement, puisque du coup on était considéré comme association de malfaiteurs. D'après la loi, tout ce qui était de l'ordre de l'entente ou de la participation à l'entente en vue de commettre un crime. Alors le terme d'entente et de participation à l'entente, là aussi, ça veut tout dire et rien dire. Donc dans les faits, ça voulait dire en fait qu'il suffisait de participer à une discussion comme ça, un petit peu contestataire, un peu... Chose comme ça, où il suffisait d'avoir donné un coup de main, d'avoir prêté son appartement, ou d'avoir fait une commission sans bien vraiment savoir pourquoi on avait fait ça, et qu'il se trouve que finalement la personne à qui on a prêté, filé un coup de main, a commis un crime, pour donc être passible des travaux forcés et de la relégation, c'est-à-dire qu'à la fin de la peine de travaux forcés, on était envoyé, exilé de la métropole, pour être envoyé aux colonies. Ce qui laissait assez peu d'espoir de survie, la mortalité était assez élevée là-bas. Donc ça, c'est les deux premières lois qui sont passées. Ça n'a pas vraiment mis fin aux attentats. Et on est arrivé en juin 1894, à ce qu'on peut être considéré comme étant le point culminant, c'est l'assassinat du président de la République français, donc Sadi Carnot, par Cazerio. Et donc le gouvernement à ce moment-là, donc en juillet, quelques jours après, en juillet 1994, fait passer une troisième loi, qui est donc la troisième des lois scélérates, qui, elle, condamne directement et explicitement ce qu'ils appellent les menées anarchistes, donc c'est en fait toute propagande anarchiste. Là aussi, cette loi, non seulement condamne, alors je ne sais plus la condamnation, c'est là aussi emprisonnement, en fait, prison ferme, et on pouvait être relégué, donc envoyé aux colonies, dans le cas où on aurait déjà subi, pour les personnes qui auraient déjà subi un premier emprisonnement dans leur vie, quoi. Ça couvrait, cette loi de la propagande, contre la propagande anarchiste, couvrait non seulement les articles de presse, mais ça c'était déjà couvert par la loi sur la presse, mais aussi finalement la propagande on va dire personnelle ou secrète, donc une lettre envoyée à un ami, une conversation là aussi. Partout où il y avait des traces finalement d'idées anarchistes, on pouvait être tomber sous le coup de cette loi. Donc pour vous, ça c'est un petit peu. Excusez, c'est que l'appellation scélérate, c'est pas l'appellation officielle des lois. C'est anarchiste, et parce qu'il y a eu un débat aussi sur savoir, pour faire la différence entre la loi sur les menées anarchistes, entre ce qui était de l'anarchisme pur et le socialisme révolutionnaire. Donc en fait, ces lois étaient finalement destinées aux anarchistes explicitement, parce qu'il y avait cette histoire d'attentat, tout ça, mais touchaient finalement aussi tous les les socialistes révolutionnaires au sens un peu large. Donc effectivement, c'est l'appellation de loi scélérate vient de ces gens-là, quoi. Pour l'ouvrage, pour être présenté un peu plus en détail l'ouvrage, en fait, donc c'est un recueil de trois textes, comme je vous disais. Le premier texte est écrit par Francis de Pressensé. Alors Francis de Pressensé, c'est un homme politique et un journaliste socialiste qui a été un grand défenseur de Dreyfus, parce qu'à cette époque, la France était en pleine affaire Dreyfus. Qui a été aussi, qui sera, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore, le deuxième président de la Ligue des droits de l'homme, la jeune Ligue des droits de l'homme, qui a été créée à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Donc lui, son texte, et c'est un texte un petit peu général, où il rapproche les lois scélérates de toutes les lois d'exception, c'est-à-dire ces lois qui vont condamner une catégorie spécifique de la population. Donc il rapproche un peu de toutes ces lois qui ont été adoptées généralement sous des gouvernements qui étaient un petit peu chancelants, et qui donc essayaient de renforcer leur arsenal répressif pour contrecarrer la contestation, quoi. Donc voilà, lui fait un article un peu général et il demande évidemment l'abrogation de ces lois. Le deuxième texte, c'est un texte qui est signé anonymement, signé un juriste. Alors j'ai appris après coup qu'il aurait été écrit par Léon Blum, donc le futur président du Conseil, donc chef du gouvernement sous le Front Populaire. Donc là, c'est un texte qui s'intéresse aux discussions de ces lois au sein de l'Assemblée nationale, qui retrace les discussions de ces lois au sein de l'Assemblée nationale et la manière dont elles ont été adoptées. Donc ce qui ressort de ces textes, en fait, c'est l'urgence dans lesquelles elles ont été adoptées. Par exemple, les deux premières lois, alors l'attentat a eu lieu le 9 décembre 1893, et les deux premières lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale le 12 décembre et le 18 décembre. Donc en fait, bon, pour la première loi sur la presse, ils ont mis 3 jours à l'écrire, à la discuter et à la voter, ce qui est quand même relativement rapide. Surtout que certains députés étaient quand même un petit peu réticents, c'était quand même des lois assez importantes, donc voulaient un peu examiner les choses de plus près. Et le gouvernement et la majorité ont utilisé les procédures d'urgence pour faire passer ces lois en force. Donc c'est ce qui ressort un petit peu de ce deuxième texte de ce volume. Et le troisième s'intéresse, c'est un texte d'Émile Pouget, l'anarcho-syndicaliste. Et c'est un texte qui s'intéresse à l'application de ces lois, donc qui montre en fait que non seulement ça n'a pas été des lois qui ont été faites uniquement pour la façade, pour la communication, elles ont été réellement appliquées, elles ont été lourdement appliquées, il y a eu des condamnations très sévères, et pour des cas qui en plus n'étaient pas toujours liés à des attentats proprement dits. Enfin, elles s'en sont aussi servies pour condamner des choses qui relevaient plus du droit commun. Donc voilà, moi j'ai trouvé pourquoi j'ai réédité ce texte. Il y a déjà un intérêt proprement historique, et il y a aussi, je trouve, une assez forte résonance avec ce qu'on peut vivre encore, ce qu'on a pu vivre depuis une dizaine d'années avec les attentats aux États-Unis, fin de septembre. C'est-à-dire en fait ce qui ressort assez clairement de ce bouquin, c'est comment finalement le gouvernement utilise une vague d'attentats qui va créer une certaine émotion, on va dire, dans la population pour adopter des lois extrêmement liberticides et répressives. Et pour finalement, ces lois, je veux dire, une fois que la vague d'attentats sont passées, les lois restent dans les codes et peuvent encore être utilisées. Par exemple, la dernière des lois scélérates, la loi donc sur la propagande anarchiste, a été abrogée en 1992. Donc elle est restée plus de 100 ans. Alors à ma connaissance, elle n'a plus été vraiment utilisée. Mais ça montre bien que c'était soi-disant pour répondre à une menace immédiate, mais enfin qu'après on les garde et on peut éventuellement s'en servir si le pouvoir a besoin de lois plus répressives pour renforcer son autorité. Maintenant je vous parlais le deuxième bouquin, donc c'est celui-là. C'est un recueil de deux textes d'Émile Pouget, donc qui rassemble l'action directe et le sabotage. Donc ce sont les deux textes. Émile Pouget, en deux mots, donc c'est un grand syndicaliste et propagandiste anarchiste français. Donc de la fin, alors c'est date exacte, je ne sais pas, je ne les ai pas notés, mais enfin c'est fin 19e, début 20e. Ça a été un des grands, il a eu un grand rôle au sein de la jeune CGT, en fait, quand à l'époque où elle était un petit peu révolutionnaire, et c'est lui qui notamment a fait adopter par la CGT la revendication de la loi pour les 8 heures de travail journalier, quotidien, et le repos hebdomadaire. Donc il a fait adopter ça comme revendication, je crois que c'est en 1904, et la loi, finalement, ça passera quelques années plus tard, je crois que c'est 1910 ou 1911, je ne sais plus bien, mais enfin... Donc Émile Pouget, c'est un de grandes figures, on va dire, du syndicalisme et de l'anarcho-syndicalisme. C'était aussi un des premiers à demander l'entrée des anarchistes au sein des syndicats, parce que bon, à cette époque-là, donc en 1890, certains anarchistes n'étaient pas trop partisans de rentrer dans les syndicats. Ils considéraient que finalement c'était déjà une certaine forme de récupération par le système, les syndicats étant finalement des structures reconnues par le système. Et donc Émile Pouget, lui, au contraire, a beaucoup milité en faveur de l'entrée des anarchistes, en disant que c'est aux côtés des ouvriers et c'est dans les syndicats que les anarchistes doivent faire leur propagande et lutter, et pas en mettant des bombes, évidemment, et c'est pas vraiment sur le terrain politique. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il dit, en gros, enfin, il ne parle pas explicitement des anarchistes, mais dans l'Action directe, donc le premier des textes, c'est un texte qui est paru en 1904, enfin, vers 1904. En gros, c'est une sorte, on va dire, de manifeste de l'anarcho-syndicalisme. C'est un texte où il explique la nécessité pour les travailleurs de s'organiser eux-mêmes, de rien attendre d'un parti politique, que les syndicats ne soient pas affiliés à des partis politiques, et pour lutter directement contre le patronat sur le terrain économique. En fait, il dit, en gros, le capitalisme est un système essentiellement économique, c'est un rapport de production, et si on doit changer les choses, ça ne se changera pas par la prise de pouvoir politique ou par des réformes politiques, ça se changera par une lutte sur le terrain économique, par les travailleurs eux-mêmes directement. Donc en gros, c'est ça qu'il explique dans le texte sur l'Action directe. Celui sur le sabotage, qui est un petit peu plus connu parce qu'il a été réédité il n'y a pas très très longtemps par les Mille et Une Nuits, c'est un petit peu le prolongement, le sabotage étant donc une des méthodes de lutte syndicale, d'action directe, au même titre que la grève ou le boycott. Donc dans ce texte, en fait, il refait un petit peu l'historique du sabotage. Et il explique les diverses formes qu'il peut prendre suivant les cas de figure, suivant les corps de métier, suivant si les gens sont payés au temps ou à la pièce. Alors, bon, le sabotage, en deux mots, ça peut être de casser des machines, tout simplement, c'est une des formes, mais c'est pas uniquement ça. Ça peut être aussi un ralentissement des cadences, par exemple, par le zèle. Il prend l'exemple, donc, dans le texte, c'est dans les chemins de fer, italiens, où en fait tous les employés font une grève par le zèle, donc ils décident d'appliquer le règlement à la lettre, quoi. Enfin, mot pour mot, un règlement très complexe et très pointilleux, ce qui fout un bordel immense dans le réseau ferré, puisque les trains partent des heures en retard. Enfin voilà, donc ça va être une des méthodes aussi de sabotage. Il y a ce qu'il appelle la méthode de la bouche ouverte aussi, qui consiste pour les employés à révéler, notamment par exemple dans la restauration, si le patron décide d'acheter, enfin de réutiliser les restes qui n'ont pas été mangés par les clients, ou s'il achète de la viande qui n'est pas très bonne, mais qui décide quand même de la passer en disant c'est pas grave, pour lui accroître ses bénéfices, pour ne pas perdre le stock. La méthode de la bouche ouverte, ça consiste en fait, c'est ce que les ouvriers révèlent ces choses-là auprès des clients potentiels pour faire en sorte que les gens ne viennent plus manger. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça qu'il explique. En gros, le sabotage, ça consiste finalement à essayer de toucher le patron là où ça l'embête le plus, à savoir sur ses bénéfices, quoi. L'idée globale, c'est celle-là. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus donc sur le bouquin de Kropotkin. Donc c'est un recueil de quatre textes donc que j'ai publié. Quatre textes qui sont indépendants les uns des autres, qui n'ont pas été écrits dans l'esprit de Kropotkin, qui n'ont pas été écrits pour être ensemble, mais qui se rassemblent tous sur la même, finalement la même idée, qui sont une critique de l'État, c'est-à-dire en fait d'une organisation sociale centralisée et hiérarchisée, et une critique des institutions judiciaires, donc qui sont directement, enfin qui sont étroitement liées à l'État lui-même. Donc ces quatre textes, il y a donc l'État, son rôle historique, qui est le premier des textes, et qui est le plus important, qui donne son titre donc au recueil. C'est un texte qui a été écrit en 1896, pour une conférence qui n'a pas eu lieu, mais qui est paru en article, finalement paru en article, et qui a été après repris sous forme de brochure. Et trois autres textes donc sur la justice, c'est l'organisation de la vindicte appelée justice, c'est la loi et l'autorité et les droits politiques. Donc la loi et l'autorité et les droits politiques sont parus en 1882 et l'organisation de la vindicte appelée justice en 1901. Donc, ce sont des textes voilà, qui sont complètement distincts mais qui se retrouvent tous sur la même critique de l'État. Après, je ne sais pas si je vous présente Kropotkine en deux mots, sa vie. Oui. Bon, alors donc Kropotkine, c'est un aristocrate russe de naissance. Il est né en 1842. C'est un prince, donc un prince russe, d'une ancienne famille aristocrate, de l'aristocratie russe. Il commence par faire une carrière militaire, comme le veut plus ou moins son rang de naissance, une haute carrière militaire, évidemment. Et puis, bon, ben, lui, il n'est pas très intéressé par la cour et tout ça, enfin, par être à la cour du tsar. Donc, il commence avec sa carrière militaire à une activité scientifique. Donc, d'abord, il part faire des explorations en Russie, en Sibérie, tout ça. Et voilà, et donc il s'intéresse plus aux sciences, donc il devient un scientifique reconnu par ses pairs, on va dire assez reconnu. Quoi. Mais bon, il s'intéresse déjà aux injustices sociales, enfin tout ça, ce sont des choses qui lui tiennent à cœur. Et en 1872, il décide de rencontrer les gens de l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale. Donc il fait un voyage en Europe pour rencontrer ces gens-là. Il arrive en Suisse, je crois, et il rencontre donc les gens de la Fédération Jurassienne, qui va bientôt justement faire scission avec la première internationale. Donc ce sont ce qu'ils s'appelaient à l'époque les anti-autoritaires, donc les anarchistes. Quoi. Et Donc il est assez vite émerveillé par ces gens qui essayent de penser une société nouvelle, d'autres façons d'autres rapports humains, enfin tout ça. Donc il adhère à la Fédération Jurassienne et il repart en Russie pour faire donc de la propagande anarchiste. Donc il fait cette propagande, il se fait arrêter en Russie une première fois en 1874. Il reste 2 ans en prison, il réussit à s'évader et à partir de là, donc, il quitte la Russie évidemment et il arrive en Europe, il revient en Europe où il changera. Bon voilà, donc après il parcourra un peu l'Europe, il changera pas mal de pays parce qu'il est un petit peu suivi, enfin, comme tous les révolutionnaires de cette époque, donc suivi par les espions russes et les espions européens aussi. Donc il ira notamment en Suisse, en Angleterre, en France, enfin voilà. Et bon ben là, donc il continue son activité de scientifique d'une part, mais il continue aussi son activité de propagandiste et de militant. Donc il fonde le journal Le Révolté en 1879, dans lequel il écrit beaucoup. Bon, Le Révolté qui deviendra après, s'appellera La Révolte, puis Les Temps Nouveaux, enfin voilà, mais en gros c'est le même journal. Donc il écrit beaucoup de ses articles paraissent dans ses journaux, il écrit beaucoup. Il participe à plusieurs congrès socialistes et il participe aussi à des luttes directement avec les ouvriers sur le terrain, à des manifestations, tout ça. Ce qui lui vaudra d'être arrêté en 1882 en France et ce qui lui coûtera donc 4 années de prison. Il sera, donc c'est à cette période-là que sort le bouquin « Paroles de révolté » qui est un recueil d'articles de Kropotkine fait par Élisée Reclus. Enfin, recueilli, rassemblé et publié par Élisée Reclus. Kropotkine sort de prison en 1886, 4 ans après, et il part en Angleterre, où il continue toujours son activité de scientifique, et c'est là, donc à partir de 1886, qu'il va commencer à publier ses gros... Enfin, les, ses, ses, ses ces bouquins, on va dire, ces gros volumes, quoi, autre chose que des articles. Donc parmi eux, il y a donc La morale anarchiste, La conquête du pain, L'anarchie, sa philosophie, son idéal, ses mémoires qui sont autour d'une vie, qui s'appellent Autour d'une vie. Il publie donc L'entraide qui est là, il publie La grande révolution, il publie La science moderne et l'anarchie aussi, de quoi ? Ouais, sur la révolution française, donc une étude de la révolution française, et La science moderne et l'anarchie aussi, donc voilà. Donc c'est là que ça, cette période-là en Angleterre, qui publie ses gros volumes, qui parfois intègre aussi les articles, en fait, il romanise certaines choses qu'il a déjà prises. Voilà, et en 1917, donc, c'est la révolution russe. Donc Kropotkine repart en Russie. On lui propose de participer au nouveau gouvernement russe, à deux reprises, je crois, il refuse à chaque fois, et il meurt. Et à ma connaissance, la dernière manifestation libre anarchiste en Russie, voilà, puisqu'après les anarchistes seront plutôt mal vus et pourchassés ou exécutés. Donc, bon, voilà un peu pour vous retracer le personnage. Alors, dans le bouquin, dans le texte, en fait, l'État, son rôle historique. Donc, il fait un peu la genèse de l'État depuis la chute de l'Empire romain, donc à la fin du 5e siècle, avec toutes les invasions barbares, 5e siècle après Jésus-Christ, donc, jusqu'à ce qu'il considère être la constitution, enfin, vraiment de l'État moderne, donc aux alentours du 16e siècle en Europe. Donc, il retrace un petit peu ce parcours-là. Pour montrer qu'en fait l'État s'est constitué dès le départ en opposition en fait à toute à libre organisation des peuples en fait et dans une perspective d'asservissement tout simplement des populations au profit d'une autorité. Donc c'est ce qu'il montre à travers ce texte. Alors pour vous retracer, alors c'est pas forcément évident parce que c'est assez touffu, mais bon, pour vous retracer en gros le mouvement qui l'explique. Donc après la chute de l'Empire romain, l'Europe est le théâtre de pas mal d'invasions de différents peuples barbares, enfin, ce que les Romains appelaient les barbares, quoi. Ces peuples-là arrivent en Europe, se mélangent, puis les invasions se calment un petit peu, donc se stabilisent, et commencent à se constituer en fait des communes autonomes, donc ce qu'ils appellent les communes de village. Donc ce sont les gens qui se rassemblent, qui fonctionnent, enfin la commune est souveraine, décide, la justice est rendue par la commune, donc c'est les assemblées de la commune, enfin les gens commencent à s'organiser comme ça plus ou moins tout seuls, commencent à monter aussi pour répondre à tous leurs besoins sociaux, des fédérations entre les communes, suivant les corps de métier par exemple, des choses comme ça. Et puis pour se consacrer à leur comme les invasions se sont plus ou moins arrêtées, qu'il n'y a plus vraiment de péril d'attaque en fait venant de peuplade, ces communes, pour se consacrer donc à leur développement économique, délèguent leur défense à un chef militaire, à une personne qui constitue une petite armée et que la commune rétribue pour s'occuper de leur propre défense. Et il délègue aussi la fonction judiciaire, c'est-à-dire qu'en gros il charge une famille de conserver la loi, donc qui est une loi essentiellement coutumière, en fait de tradition. Donc il y a une famille qui se charge comme ça de garder en mémoire la loi et de rendre la justice. Et l'union de ces deux pouvoirs que la commune finalement délègue en fait commence à donner naissance en fait à des pouvoirs qui des petits seigneurs qui commencent en fait à avoir une emprise sur ces communes, justement puisque c'est eux qui rendent la justice, c'est eux qui ont la force physique en fait. Et donc ce petit seigneur petit à petit va acquérir une certaine autorité sur la commune. Il va être aidé en cela par le pouvoir religieux aussi, notamment bah, l'Église qui commence à être en place et qui bon bah, a été comment dire un petit peu envie comme ça de partager à la fois le pouvoir et les richesses qu'a le Seigneur, donc elle va prêter main forte au Seigneur et donc les communes commencent comme ça petit à petit à être vraiment de plus en plus sous le joug d'une autorité qu'elle maîtrise plus vraiment. Donc aux alentours entre le 10 et le 12e siècle en Europe, les communes cherchent à se réaffranchir en fait, donc c'est la révolution des communes, parce que Kropotkin l'appelle la révolution des communes. Donc elle commence à chasser le Seigneur, à reconquérir leur propre souveraineté. Donc à reconquérir leur pouvoir, enfin se réapproprier leur défense militaire, elles montent leur propre milice, leur propre armée en quelque sorte. Elles se réapproprient aussi le pouvoir judiciaire. Enfin, elles arrivent comme ça à se libérer du joug du Seigneur. Et elles reconstituent toutes les fédérations, les guildes de métier, enfin les corps de métier entre les communes, même au niveau européen. Enfin, ça peut s'étendre. De manière ça peut être très étendue sur le au niveau du territoire. Et donc elles arrivent comme ça à se libérer du joug du Seigneur. Donc à l'époque, ce ne sont plus des communes de village, ça devient vraiment des villes, à proprement parler, donc c'est des communes urbaines. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc elles arrivent, elles, à se libérer, mais les paysans restent sous le joug du Seigneur, en fait. Donc lui, il reste tributaire du Seigneur. Donc ça, c'est la première, on va dire, erreur, en quelque sorte, qu'elles ont commise. La deuxième erreur, ça sera de laisser certaines guildes, enfin certaines donc, fédérations comme ça, s'enrichir à titre privé. Donc en fait, il va y avoir à cette époque-là, il commence à y avoir des luttes entre les guildes des anciens métiers, donc les guildes qui existent depuis plusieurs générations, et les nouveaux métiers. Donc il commence à y avoir des conflits, et les anciennes guildes s'enrichissent de plus en plus, constituent une sorte de bourgeoisie finalement au sein de la ville, et il arrive, donc il y a des conflits, on va dire, entre riches et pauvres. Donc ça, ce sont le fait de ne pas affranchir les paysans et le fait de laisser finalement cette différence de classe s'instaurer au sein de la commune va être en gros les deux erreurs. Joint à cela, il va y avoir l'enseignement promulgué en gros par l'Église au sein des universités. Qui va promouvoir d'une part la soumission à l'autorité, parce que l'Église fonctionne quand même sur ce mode-là, et qui va promouvoir aussi le modèle, enfin on va revenir un peu au modèle romain, avec justement le droit écrit, avec l'idée d'un État centralisé, enfin, elle rediffuse ses idées, et donc ces idées jointes aux deux erreurs, vont faire que finalement, le Seigneur va réussir à reprendre le pas. En fait, il va se servir des paysans, s'appuyer sur les paysans, bon, déjà pour s'enrichir d'une part et pour renforcer sa propre force physique, mais aussi pour monter les paysans contre les communes et pour reprendre le pas sur les communes. Il va se servir aussi des différends qu'il va y avoir au sein des communes entre les riches et les pauvres pour, là aussi, arriver à s'immiscer et à réimposer son autorité, à redevenir lui-même le pouvoir juridique, judiciaire, en fait. Et il va reprendre, donc là, on est aux alentours du XVIe siècle, après, ça varie un petit peu suivant les endroits d'Europe, mais enfin, aux alentours du XVIe siècle, il réussit, comme ça, à reprendre le pouvoir sur les communes. Et à partir de là, donc c'est la royauté naissante, la royauté et les seigneurs vont s'attacher à détruire une à une toutes les fédérations qui existaient entre les groupements autonomes en fait qui existaient entre les populations, et va s'attacher surtout à dépouiller les communes de leurs terres, puisque les communes étaient propriétaires de leurs propres terres, de manière à les appauvrir et du coup à les asservir, puisque elles n'ont plus aucun bien, elles n'ont plus aucun... Donc ça va être pendant toute la... toute la, bah, la du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française, en fait, où on arrive vraiment avec les Jacobins au, au culte de l'État centralisé, et, on va dire à l'apogée de la forme étatique en quelque sorte. Donc dans les trois autres textes, en fait, Kropotkin montre le, l'importance de la, la place, en fait, et l'importance de l'institution judiciaire dans cette prise de pouvoir par, le, par l'autorité sur, sur les peuples. Donc comme je vous disais, au début, les communes fonctionnaient avec une assemblée plénière qui décidait, qui faisait la loi suivant la coutume, la, la, la coutume. Et c'est au moment où elles ont délégué finalement leur pouvoir judiciaire qu'elles ont commencé à perdre leur, leur autorité parce qu'elles n'étaient plus, ben, plus maîtres des, de ce qui, enfin, des décisions qui se prenaient. Lorsqu'il y avait un différend, ben, on devait faire appel à quelqu'un qui tranchait, ce n'était plus la commune elle-même qui tranchait. Et on est passé justement donc à ce stade quand elles ont commencé à perdre cette, enfin, déléguer et à abandonner cette, ce pouvoir de décision judiciaire. On est passé du, donc, d'une justice basée sur la, la coutume, sur la tradition, à une justice écrite en fait qui s'inspirait du modèle romain et qui a permis finalement à l'autorité de renforcer. Parce que le fait de, que ce soit écrit, c'était plus stable, plus figé, donc de consolider son autorité, et en même temps de la légitimer, puisqu'il intégrait à la loi le, ben les règles élémentaires en fait, de, vie en société, de vie en société, donc toutes les lois qui sont destinées à protéger les personnes, enfin à dire tu n'as pas le droit de tuer ton voisin, enfin, bon. Et en fait, toutes ces lois ont été intégrées au code, et ce qu'explique en fait Kropotkin, c'est qu'elle elle justifie l'ensemble du code, alors que le, la, bon, non seulement elles, ne sont pas, elles n'ont pas besoin d'un code écrit pour être respectées, puisqu'au sein des communes elles-mêmes, dans les traditions orales, les gens ont vite compris qu'ils avaient, enfin, déjà qu'ils avaient, enfin, qu'ils vivaient, ils avaient besoin de vivre ensemble, et que pour vivre ensemble, c'est quand même préférable de ne pas se taper dessus toute la journée. Donc, elles avaient, et en fait, le pouvoir a, voilà, a intégré donc, ces, ces règles en disant, mais regardez, la loi vous protège, c'est grâce à la loi que les gens ne se tapent pas dessus, ce qui permettait de justifier les codes qui... Et les codes, en fait, enfin, Kropotkin distingue trois grandes catégories de lois. Il dit, il y a les lois fondamentales qui organisent le, comment dire, le, la société, en fait, sous forme pyramidale. Il y a les lois sur la propriété qui, finalement, quand on y regarde bien, ben, protègent le riche contre le pauvre, donc assurent la domination économique des riches. Et donc les lois sur les personnes, qui sont, en gros, la, la grande justification du code, mais qui n'ont pas besoin du code lui-même pour être ben pour exister et pour être appliqué. Donc voilà, ce qui ressort en fait de ces trois textes sur la justice, c'est que finalement, ben, c'est par l'intermédiaire du pouvoir judiciaire que le ben, que l'État, le pouvoir réussit à servir les populations, parce que c'est aussi par la figure du juge qui se place au centre de toutes les relations sociales en fait. C'est-à-dire qu'il dit, ben, dès qu'il y a un problème entre vous, vous m'appelez, c'est moi qui dois intervenir, vous ne réglez pas le problème entre vous, il faut que moi j'intervienne. Donc il arrive à se placer au centre et à servir comme ça les populations. Donc en fait, voilà, pour conclure, ou peut-être pour résumer de manière générale l'ensemble du bouquin, Kropotkin, finalement, rejette l'idée qui était au XVIIe et XVIIIe siècle et qui a fondé l'État de droit, l'État moderne, rejette l'idée du contrat social, avec cette idée qu'on trouve notamment chez Hobbes, qu'en fait, les hommes, s'ils sont laissés à eux-mêmes, ils s'entretuent, on est dans la guerre perpétuelle de tous contre tous, et ils sont obligés d'abdiquer, de perdre une partie de leur liberté au profit d'une autorité supérieure qui est seule capable de les protéger. Donc il rejette cette idée en disant non, c'est absolument pas vrai. Les hommes savent très bien, l'homme est un animal qui est social par nature, enfin qui est essentiellement social, qui a besoin de vivre en société, et ils savent très bien s'organiser sans ça. Et ils n'ont pas enfin, l'État n'est absolument pas nécessaire pour réguler une vie en société. Donc il rejette cette idée et montre qu'au contraire, loin d'être comment dire, le garant de la paix sociale, en fait, l'État, c'est finalement la forme qu'a trouvé qui s'est élaborée au fil des siècles pour pérenniser, pour consolider une domination, d'une certaine catégorie, d'une minorité de une minorité sur l'ensemble de la population, notamment donc à travers l'institution judiciaire. Donc la conclusion à laquelle arrive Kropotkine, et enfin, c'est aussi ça qu'il veut montrer, en gros il dit c'est absolument illusoire de vouloir faire la révolution, donc en prenant l'État étant un instrument qui est fondamentalement donc voué au contrôle des populations et à l'asservissement des populations, on ne peut pas espérer libérer les populations en prenant la tête du pouvoir. C'est uniquement en reconstituant d'autres liens sociaux, d'autres organisations anti-étatiques, mais je veux dire indépendantes de l'État, qui n'ont rien à voir, des organisations horizontales entre les personnes, qu'on va pouvoir réellement changer les liens sociaux et établir une société qui est pour base justement la liberté et l'égalité des gens entre eux, en fait, tout simplement. Et donc faire la révolution, enfin, une révolution peut se faire non pas par la prise de pouvoir de l'État, mais tout simplement par la constitution de ces réseaux sociaux et par l'abolition justement de la structure étatique qui est, comme je vous disais, par nature destinée finalement à écraser et à dominer les gens. Donc moi c'est ça, enfin, c'est pour ça aussi que j'ai republié ce texte. Parce que cette idée tout simplement me plaisait bien. Bon, on voit, enfin peut-être encore plus ces dernières années, on voit effectivement que l'État, même si aujourd'hui il prend des allures démocratiques, bon, globalement les lois qui sont prises sont pas forcément prises en faveur des populations. C'est quand même, elles sont souvent prises pour préserver les intérêts économiques de certaines castes, si on peut dire, ou classes, tout simplement. J'aime bien cette idée. Bon, ça c'est plus personnel, mais je pense effectivement pas que si on devait faire une révolution, même si le mot est un peu grand, ça puisse se faire vraiment par les armes en disant on va renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. Je pense que ça peut conduire finalement qu'à un régime de terreur et qui sera... la terreur ou en Russie aussi, régime qui va tendre à surveiller de plus en plus les gens, bon, encore plus aujourd'hui avec tous les moyens, les ordinateurs, tous les moyens techniques, voilà, qu'on possède. Je pense que si on veut véritablement changer les choses, il me semble, il y a plus de chances que ça fonctionne en essayant de construire d'autres rapports sociaux et de construire des organisations qui soient indépendantes des structures administratives, enfin étatiques au sens large, quoi. Donc moi c'est ça qui m'a plu dans ces textes, et c'est donc pour ça que je les ai réédités. Donc voilà, le dernier, le tout dernier texte donc qui vient de paraître, c'est comme disait Gilbert, donc en fait c'est un texte sur donc Victor Méric, c'est un journaliste et un écrivain proche des socialistes aussi et des anarchistes, et il a écrit ce bouquin donc sur la bande à Bono, qui s'appelle les bandits tragiques, puisqu'on les appelait à l'époque les bandits tragiques ou les bandits en auto, puisque ce sont les premiers à avoir utilisé donc l'automobile pour faire leur braquage. Donc ils racontent en fait, ils racontent leur parcours, leur épopée, voilà. Et il revient, moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que bon, il revient aussi beaucoup, enfin il essaye de comprendre la personnalité de ces gens, qui ils étaient, il revient beaucoup sur le milieu des anarchistes individualistes et des illégalistes, donc autour du journal L'Anarchie, donc d'où venaient les, les membres de la bande à Bono. Il essaye, comme je vous disais, de comprendre voilà, un petit peu qui sont ces gens. Et ce bouquin, c'est aussi un plaidoyer pour Eugène Dieudonné, où enfin, l'auteur dénonce un peu le rouleau compresseur répressif qui s'est abattu sur le journal L'Anarchie suite au braquage de la bande à Bono. Et dont un rouleau compresseur dont a été surtout victime Dieudonné, qui a été condamné à mort pour avoir participé à un des crimes de la bande à Bono, alors que tout a priori l'innocentait. Dieudonné n'a pas été, enfin il était oui voilà ouais. Donc non, je croyais que tu c'est sur le fait de l'innocenter que tu n'étais pas d'accord. Finalement, il a été condamné à mort. Le président s'est dit que c'était peut-être quand même un peu violent d'aller lui couper la tête, alors qu'effectivement, tous les membres même de la bande à Bono disaient « Mais non, il n'a rien fait, il n'était pas là, il avait des alibis. » Enfin. Donc on a commué sa peine en travaux forcés à perpétuité. Il est parti au ban en Guyane. Et donc à l'époque où Victor Méric écrit ce bouquin, Eugène Dieudonné est encore au bagne, donc c'est en 1926, il a passé 13 années au bagne, pour être finalement, après s'être évadé du bagne, il a été amnistié, je crois que c'est en 1926 aussi, à la fin de l'année 1926, enfin on a reconnu que son innocence. Donc voilà, ce bouquin c'est aussi un plaidoyer un petit peu en faveur de ce... pour Eugène Dieudonné. Et bon, c'est assez intéressant aussi en ce qui retrace un petit peu toutes les personnalités autour de, voilà, des individualistes et des illégalistes. Ça c'est les quatre bouquins que j'ai édités à ce jour, donc en un an et demi. Après peut-être deux mots sur les projets un peu, enfin voilà, les quelques... les prochains bouquins qui devraient paraître. J'ai en projet une réédition d'un roman de Anne Reiner. Donc Anne Reiner, c'est un écrivain, un penseur, individualiste. Henri Nair. Henri Nair, oui, c'est son vrai nom, mais son nom d'auteur, c'est... Enfin, pareil. Ah ouais, c'est pas pareil, ouais, ouais, non, c'est vrai, j'avais jamais fait. Bon, enfin alors voilà, Henri Nair. C'est un penseur et un écrivain individualiste, libertaire, antimilitariste. Là, c'est un roman qui est assez léger, assez drôle, quoi. C'est pas du tout un essai. Le roman s'appelle Prenez-moi tous. Donc c'est un roman de 1930. Où il se moque en fait de la un petit peu de théorie de la camaraderie amoureuse, notamment promue par Émile Armand. Armand. Bon, je fais des erreurs alors. Tout le monde se bourre là-dessus presque. D'accord, c'est pas Émile. Ouais, bon, bah alors, je m'incline sur. Point Armand. Et est-ce que c'est pas Émile? Non. Alors autant pour moi. Son vrai nom c'était Ernest Juin. D'accord. Ouais. Bon alors pour E. Armand. Ouais, ben. Signé comme ça, il a toujours. J'invente un petit peu comme c'est ça. C'est une erreur assez ancienne qui a été reproduite des dizaines de fois. D'accord, ouais, parce que j'ai pas. Des bouquins de. Ils sont signés. Où il l'appelle Eugène avant tout. Ah, Eugène. Bon, on va voir. Non, Armand, voilà, donc il se moque en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est un... Donc le personnage principal se retrouve attrapé, enfin pris comme ça, dans une sorte de confrérie amoureuse, qui est montée par sa propre femme d'ailleurs, où les membres de cette confrérie sont obligés, enfin sont tenus de faire l'amour les uns avec les autres. Et donc voilà, il se moque un peu de ça en montrant que finalement, l'amour libre obligatoire n'a plus rien ni d'amoureux ni de libre, quoi. Enfin, sous prétexte de liberté, finalement, on se retrouve coincé. Donc voilà, c'est un texte qui m'a bien plu et que je vais rééditer prochainement. Je ne sais pas, j'ai pas la date exactement. Mais... Après, je vais rééditer aussi un autre volume de, notre recueil de textes de Pierre Kropotkine, qui tournera cette fois plus au niveau de l'anarchie, proprement dite, donc pour essayer voilà, de mettre en avant comment lui conçoit la société, comment ça pourrait fonctionner. J'ai rassemblé communisme et anarchie, donc où il distingue aussi les deux. Il y a le principe anarchiste, il y a l'anarchie dans l'évolution socialiste. Enfin, j'ai rassemblé des textes, mais j'ai pas encore vraiment trié. Je sais pas, c'est des projets. J'ai un petit rythme de parution, donc je prends le temps comme ça de les éditer, voilà, tout simplement. Donc il y aura ce deuxième. Un bouquin de Kropotkine qui est en préparation. Après, voilà, de manière plus lointaine, j'avais envie aussi de rééditer des articles de Laurent Télade, en fait, des articles polémiques. Télade, alors, voilà. Bon, mais c'est ma révision. Donc, des articles de Laurent Télade. Je m'intéressais aussi, pareil, à des articles de Zodaxa, donc l'individualiste. Il y aurait aussi des textes plus légers, si on peut dire, mais je m'intéressais aussi à des textes autour des cabarets Montmartre 3, dans les années, enfin autour du Chat Noir, quoi. Donc là je m'intéressais notamment à Émile Goudot, qui a fondé le club des hydropathes, donc c'est un petit club comme ça de gens. Donc voilà, là je suis en train de chercher, c'est pas encore au point, mais je m'intéresse et j'aimerais bien rééditer des trucs. Qui ont trait à ça. Et voilà, et puis après, peut-être aussi, si les manuscrits se présentent, des textes là, pour l'instant c'est que de la réédition, mais donc aussi, je m'interdis pas évidemment de publier des textes inédits si des manuscrits intéressants se présentent. Et voilà, je pense que je vous ai dit à peu près ce que j'avais. Ayad a été réédité, il me semble, il n'y a pas très longtemps, déjà. Je sais pas, j'ai dû regarder parce que. Et là, c'est vrai que moi, j'ai commencé un peu à lire voilà, ces articles. Oui, c'est Le Mufle, je crois, non, c'est des poèmes en fait qui a été réédité. Un recueil de poèmes. J'ai vu ça, il y a un recueil de poèmes. Et c'est vrai que moi, là, je m'intéressais plus à ces articles. Ces articles polémiques. Là, je suis en train de lire un recueil, il y en a un autre que je cherche, que j'ai du mal à trouver. Et voilà, donc, c'est plutôt ce type-là, mais il y a effectivement un bouquin de je crois que c'est des poèmes, en fait. Il y a Le Mufle dedans, qui a été réédité, je ne sais plus par qui, d'ailleurs, une maison d'édition. Pour lancer le débat, peut-être que pour revenir à Kropotkine, il y a un événement que tu as passé sous silence qui est pourtant très important. Donc, au début, c'est le manifeste des 16 en 1914, le 16 qui était le 15 d'ailleurs, qui a signé. Promu avec Jean Grave, avec des gens qui n'étaient pas n'importe qui. Je connais l'histoire. Malato, Docteur Pierrot, etc. Oui, il disait qu'il fallait prendre parti en faveur de la France. Pour la France. Il semblerait que ce soit une position qu'il ait prise en pensant que. Défaite de la France, peut-être aller rentrer l'ambiance de la commune. Pourquoi n'a-t-on pas une défaite de la France? Parce qu'il était. Le manifeste des 16, c'était. Enfin, peut-être que j'ai des bêtises, mais. C'était rentré dans le conflit comme ça, mais. En faveur de. C'était en 15, je crois qu'il a parti. 16. Mais ils se sont affirmés, donc. Du côté, on va dire, de la France, oui, en disant, c'était en disant, finalement, il faut prendre parti pour la France, s'impliquer dans la guerre. Pas franchement un pacifiste, comme le dit Michel Onfray dans face. Mais oui, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est... Non, non, non, mais c'est pas... Ceci dit, ceux qui sont intéressés à se renseigner dessus, tout est relaté dans l'encyclopédie anarchiste qui est consultable sur le FSLSF. Oui, du coup, ça a constitué un comble, en fait, de la pensée anarchiste. C'est-à-dire que les anarchistes rompent avec l'idée internationaliste pour favoriser une forme d'État, pour favoriser un groupe. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas... ils n'étaient pas très nombreux, je trouve. Enfin, il n'y a pas eu... Ces signataires-là, en tout cas, par rapport à... Il y a eu des débats, mais du coup, on préférait dire que finalement la France, il y avait quelque part un peu les lumières dans le mode dans la République française par rapport aux autocraties et aux... alors que la France était alliée au tsar, au tsarisme. Il y avait une alliance stratégique avec la Russie tsariste qui était sauvée à 3 semaines. Alors, ça valait bien ça. Et en tout cas, de fait, c'était le rejet des régimes, d'anciens régimes, enfin, des régimes d'Europe centrale qui correspondaient à l'ancien régime. Ouais, ouais, pour donc, diffuser l'idée des Lumières, enfin, l'idée c'était ça, oui, enfin, en gros. Puis chez Kropotkin aussi, il y a une vision aussi assez ethnique aussi. Hein. Contre le socialisme allemand, il y a aussi ça qui se passe. Par rapport au socialisme méditerranéen, qui fait une vision genre, des oppositions des socialismes sur une base ethnique. Quoi, genre, par rapport justement à Karl Marx, qui était le germaniste contre les latins. Et... Oui, je veux dire. Oui, non, parce que c'est un terme du socialisme allemand, germaniste, par rapport justement à la fédération jurassienne qui était méditerranéenne.